des formes se dessinent. Tes robes nous laissent imaginer que pour toi c'est impossible de dire oui. Contente-toi de me faire un signe, juste là-bas devant deux cils. Ou oui, si jamais tu te décides de dire oui. Je vais commencer par demander ton nom. Quelques minutes pour m'écouter, écouter, écouter, écouter. Comment devenir plus proche de ton nom? Au point d'avoir le souffle coupé, coupé, coupé, coupé. Et j'ai des projets pour toute une vie. Je suis un peu différent de celui qui chante Bruxelles vie. Je nous vois bien bloqués dans cette même nuit. À braquer le soleil pour empêcher que ça se termine. Laisse-moi t'accompagner, laisse-moi te prouver que cette nuit durera sûrement des années. Ma chérie, laisse-moi t'enlever, tout est, tout est, tout est. Comme tes formes se dessinent, tes robes nous laissent imaginer que pour toi c'est impossible de dire oui. Contente-toi de me faire un signe, juste là-bas devant deux cils. Ou oui, si jamais tu te décides. Dans ta touche, ça je ferai oh oh. Je t'ai vu briser tous les cœurs des big cravers, du club, des gros gros bras. L'amour, je connais que je lui tirais par les cheveux pendant le dog, il me demande pas pourquoi. Très écologique quand il s'agit de ta plastique girl. Mauvais pronostic, est-ce que t'aimes pas les black nippers? Moi un jet pour un date, je ferai la tchatch du 7ème ciel à bas. Je fais de la moula, on vivra comme dans le clip des Canaries. Dans la table, je fais la rue. T'es comme du shit dans la rue, tu te fais désirer pour mieux te fumer dans une feuille sale. Si je monte ta main, c'est pour la mettre sous le froc. Ballement, y'a pas de fiançailles lissées. Je me sens comme Biggie après Juicy. Je nous vois à deux, mais sur un tricycle. Un marmot, une ville à marbre et à Marbella. Une vie dans laquelle les aiguilles tournent, mais où le temps ne passe pas. Comme tes formes se dessinent, ta robe nous laisse imaginer que pour toi c'est impossible de dire.